The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Spider. L'araignée. Bedroom. La chambre. Poor. Pauvre. Creature. La bête. Harmless. Inoffensif. Revolting. Dégoûtant. To squash. Écraser. To kill. Tuer. To catch. Attraper. Now, a bit faster. To squash. Écraser. Harmless. Inoffensif. To catch. Attraper. Revolting. Dégoûtant. To catch. Attraper. Revolting. Dégoûtant. Bedroom. La chambre. To kill. Tuer. To squash. Écraser. To catch. Attraper. Creature. La bête. Harmless. Inoffensif. Poor. Pauvre. Revolting. Dégoûtant. To squash. Écraser. Revolting. Dégoûtant. Spider. L'araignée. Harmless. Inoffensif. Now, use the words in context. L'araignée. I'm afraid of spiders. J'ai peur des araignées. Tuer. A young man was killed last night in my area. Un jeune homme a été tué la nuit dernière dans mon quartier. Dégoûtant. That creature is really disgusting. Cette bête est vraiment dégoûtante. Écrasé. I'm going to squash that ant. Je vais écraser cette fourmi. Attraper. I caught a butterfly in the garden. J'ai attrapé un papillon dans le jardin. Tuer. A young man was killed last night in my area. Un jeune homme a été tué la nuit dernière dans mon quartier. Écraser. I'm going to squash that ant. Je vais écraser cette fourmi.